les meilleurs équipes. Et si die allerbesten Mannschaften die besten, les meilleurs équipes, the champions, die masters, die besten, les meilleurs équipes, the champions. Bonsoir, chers amis de Débattons d'Anguirou. Ce soir, ce n'est pas Débattons d'Anguirou. Ce soir, c'est un événement, une succursale est créée à Débattons d'Anguirou. Cette succursale sera consacrée à l'Ovalie, bien sûr, et elle s'appellera L'habite dans la porte. Premier épisode et nouveau générique. Chers amis, vous avez bien reconnu le pilou-pilou, cri de guerre entonné au stade Mayol à chaque début de match du stade toulonnais. Bonsoir cher docteur, c'est vous qui allez conduire cette émission, l'habite dans la porte, épisode numéro 1. Pourquoi ? Puisque vous êtes notre spécialiste du Sud-Ouest et de l'Ovalie. Bonsoir docteur. Bonsoir mon cher Manuel, bonsoir chers auditeurs. Nous sommes ravis, effectivement, après mûr débat au sein de l'équipe de Débattons d'Anguirou, de vous proposer ce soir donc cette émission spéciale, dont on espère qu'elle sera suivie d'autres émissions spéciales, il faudra voir avec le staff, qui s'intitule donc « L'habite dans la porte ». Alors « L'habite dans la porte » sera une émission, on l'a déjà dit, consacrée au rugby. On a eu le droit de la faire puisque Brett n'est pas là. Exact. On le salue, Brett, membre éminent du dispositif, qui s'oppose bien sûr à toute forme de discours sur le sport autre que sur le football. Mais pour nous accompagner ce soir, un nouveau dispositif, peut-être un dispositif pour l'instant des invités. Et quels invités ? Ce soir, Martin Camoun est là avec nous. Bonsoir Martin. Bonsoir. Martin, vous êtes bien sûr, tout le monde le sait déjà, comédien, mais aussi passionné de sport et particulièrement de rugby. Absolument. Vous êtes content de participer à ce premier épisode de L'habite dans la porte, j'imagine. Je suis très content, je vous remercie de m'inviter, je suis très honoré. Et à votre droite, l'ami Thomas Quentin, qui est notre webmaster, le webmaster de l'équipe des Bâtons d'Anguirou, et donc de L'habite dans la porte. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Gros passif radiophonique, hein, on en discutait juste avant de venir à cette émission, et aussi passif rugbystique. Tout à fait, oui. Une émission et 12 années de rugby. 12 années de rugby dans le club de Saône-Provence. Eh, on en parlera. Les jaunes et noirs. Les jaunes et noirs. Je crois bien que notre troisième invité, Mathieu Poulain, bonsoir. Que j'ai du mal à voir d'où je suis, mais qui pourtant il est grand, le diable. Hi. Mathieu Poulain, un musicien, bien sûr, nouvelle star quasiment de la scène marseillaise. On en parlera un petit peu plus tard. Lui aussi, membre du club de rugby de Saône-Provence, me semble-t-il. Sporting Club Salonnais. À quel poste jouiez-vous pour nos auditrices qui sont très très friandes de ce genre d'informations ? Troisième ligne aile. Alors, troisième ligne L, docteur, il faudra bien sûr nous expliquer, peut-être dès à présent, ce que ça veut dire. C'est un flanqueur. Un flanqueur qui pousse sur le côté de la mêlée. Voilà, il y en a deux, numéro 6, numéro 7, dont un certain Christian Labitte, parfois numéro 7 et parfois numéro 8 aussi. Alors Christian Labitte, à qui on doit en partie le nom de cette émission? En partie seulement parce qu'il a un frère aussi. Il n'a pas un frère, mais il a un homonyme. Un homonyme, c'est pas son frère. Non, c'est pas son frère, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il a un homonyme, Laurent Labitte, qui jouait à une. Ils ont dû jouer ensemble à un moment donné, mais Laurent Labitte a surtout gagné le titre donc avec les Castrés en 1993. Hein, voilà, c'était un arrière du CO, voilà, le Castres Olympique. Et donc, entre Laurent et Christian, bah, notre cœur balance. Hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sûr que Labitte va rester ce soir bien dans la porte. Pour commencer cette émission en beauté, je vous propose de faire la passerelle entre des bâtons d'Anguirou et Labitte dans la porte, avec Coach Luc. Coach Luc qui n'a pas pu nous accompagner ce soir, handicapé par un genou douloureux. Coach Luc avec, pour une émission de des bâtons d'Anguirou, composé un petit AK qu'il avait entonné avec l'ami Damien Ravnich à l'occasion de l'émission Foot Buteur, une grande émission. Et on va tout de suite écouter le AK de Coach Luc et Damien Ravnich. Ove ce AK kaku a compté tarpin de gaine. Ove moi ce boucan. Ove minotes va te jeter au goût. Zarma chichi choun. Bonne mère, baba chou. Akelo, mpego, karaté, rené, maravé. Chante le bien. Tranquille, égobi, kamouté, kamouté, méfie kéké, méfie kaku, jobarté, sans gagner, bouhou, paille, beau fils, bati bati, Macari, Tefani, Tafachi, Tenki, Sege, Nada, Dig, Dig, Tagada, Tegain, Tefracada, Zou. Voilà. C'était donc Coach Luc et Damien Ravnich, il y a quelques mois sur cette antenne de Radio Galère. Je pense que c'était parfait pour rythmer ce début d'émission, et je crois que ça va vous lancer, mon cher docteur, pour nous annoncer le sommaire palpitant que vous nous avez préparé. Alors le sommaire palpitant, dont je ne dispose pas sous les yeux, mais de mémoire, je vais essayer de vous le livrer, bien sûr. Donc c'est une émission qui va se dérouler en trois mi-temps, parce que comme vous le savez, au rugby, très souvent, la troisième mi-temps est extrêmement importante. On espère que ce soir, elle restera dans les carrés, on va dire. Mais bon, donc première mi-temps, je crois que la première mi-temps s'intitule... L'éloge de la bite. L'éloge de la bite. Voilà, c'est notre volet stratégie. Avant de passer à une deuxième mi-temps qui sera davantage sur le rugby local, je crois. Intitulé « Labitte contre la porte ». Labitte contre la porte, bien sûr. Les deux managers du Provence Aix Rugby Club et du RC Toulon. Et ainsi qu'une troisième partie qui sera cette fois-ci intitulée « Labitte au poteau », bien sûr. Labitte au poteau, bien sûr, pour nous parler un petit peu plus des vestiaires éventuellement. Voilà, et de ce qui peut se passer avec nos spécialistes du sujet qui ont une expérience vraiment très importante de ces situations-là et qui vont nous dire un petit peu comment gérer finalement une troisième mi-temps. Et je pense qu'on va en savoir beaucoup plus à la fin de cette émission. Je vous propose, docteur, de commencer tout de suite cette première partie. Donc, l'éloge de la bite, sous-titre « Le French Flair, existe-t-il encore ?» Et vous avez décidé d'introduire cette première mi-temps par une, bien sûr, traditionnelle chronique, docteur. Effectivement. French flair. Tout d'un coup, les relents britanniques de l'expression titillent mes vibrisses. Je n'ai en effet pas encore adopté le look androgyno-hipstéro-métro, cher aux nouveaux héros de l'Ovalie. Ainsi, des poils obstruent-ils toujours mes narines, pour le plus grand malheur de particules fines ralenties dans leur cours effréné vers mes sinus. Mais trêve de trigonométrie, et sachant nous défier d'une traduction à la croquette, le flair, dans son acception britannique, ne désigne ni la qualité esthétique d'appendices trop connus pour leur proéminence chez nos compatriotes, ni une sagacité instinctive qui nous rapprocherait par trop de notre dit meilleur ami quadrupède. Non, non, non. Le flair signifie tout simplement le style, confinant même à l'occasion à l'élégance. L'intuition, si souvent prêtée au French flair, tient donc d'une interprétation volontairement valorisante d'un terme qui n'a en fait rien d'essentiellement rugbystique. Ainsi, le sinistre ex-ministre Laporte, fossoyeur du jeu à la française, justifiait-il le long supplice infligé au 15 du coq en assénant l'inexistence du French flair, en tout cas son invention par des journalistes britanniques désireux de cantonner les bleus au spectacle, au jeu de passe, et les détournant par là même des seules glorieuses ambitions anglo-saxonnes, celles de la victoire. Durant son règne, qui frisait le lustre sur son brillant crâne, la porte s'était échinée à expurger toute fantaisie, toute facétie, toute excentricité, chassant l'indiscipline comme Poutine, un tchétchène au fond d'un chiotte. L'air Laporte, tel que la dénominent les observateurs ayant vécu les sévices moraux d'un tortionnaire au demeurant surmédiatisé par une beaucoup moins sombre marionnette télévisée, constitue l'un des rares exemples de totalitarisme sportif jamais astreint à l'ensemble d'une nation. En effet, le système pyramidal propre au rugby français et à son esprit de clocher répliquait les odieuses directives dans tout l'hexagone. Aucune classe d'âge ne fut épargnée, les poussins furent arrachés à leur mère, les minimes laissés en rade à La Rochelle, les cadets rossés, leurs maisons rasées. Tampons, conservation, soutien, défense. Laporte surtout traqua la passe croisée, le cadrage débordement, mi-même appris la chistera. Le propre du totalitarisme est de ne pas se cantonner aux sphères sociales, mais de contraindre l'individu dans sa propre conscience. Ainsi, le rugbyman des années 2000 vivait-il prostré dans ses frontières tactiques, arc-bouté derrière sa ligne d'avantage, véritable ligne Maginot, paralysant toute initiative individuelle, avançant masqué derrière l'arlésienne du collectif. Mais Laporte faillit, les gonds lâchèrent, et plus d'une fois, le monde lui refusa sa botte. L'ancien directeur de conscience des Raptous bordelais, adoubé à la sauce Stade français, s'en vint continuer sa formidable OPA sur ce qui se fait de pire en Ovalie, en échouant sur la rade toulonnaise. Mais quid du French Flair dans tout cela? Si ce n'est, pour une fois, le bougre, n'avait d'ailleurs pas totalement tort, une vaste mascarade dont se délecte à présent ce qui reste de bédéiste outre-manche. Le nouveau format des joueurs français prête en effet à la caricature. Qui une boule de pain à l'énorme paluche, un béret protégeant des oreilles déchiquetées par leurs compatriotes, enfin l'indispensable déodorant rehaussant le prestige international de l'aisselle. Si le French Flair est à coup sûr une imposture, nulle nation n'ayant l'apanage atavique du talent, le beau jeu ne l'est pas. Ou ne l'était pas, tellement le rugby français a su tomber dans le panneau de l'efficacité, de la modernité, d'une compétitivité ourdie par un bourreau d'exception ne tenant de Napoléon que sa capacité à nous ulcérer. Pour nous consoler de ces affrontements stériles, de ces vaines collisions, de cet invraisemblable Verdun où des troufions décérébrés sont catapultés sur des barbelés par d'insensibles gradés aux gabardines relevées, et où le coq endosse de plus en plus souvent le rôle de dindon de la farce, pensons donc aux poules, au pouls de cette Coupe du Monde s'entend, à ces exilés d'île aux antipodes d'un rugby calculé, le salut viendra peut-être du 7 messianique des Fidji. Merci docteur, une fois de plus, vous avez été brillant. Je vous propose, pour illustrer votre propos, d'écouter les commentaires de nos amis journalistes sportifs à la télévision. Et je vous laisse le choix, ami invité, ami docteur, d'écouter un essai qui illustrerait ce fameux French Flair. Alors on a l'essai dit du siècle, marqué par notre actuel sélectionneur Philippe Saint-André, 1993 je crois, contre les Anglais, et l'essai du bout du monde de Jean-Luc Sadourny contre les Blacks sur leur terre. Vous souhaitez-vous voter? En tout cas, moi je suis plutôt tenté par l'essai contre les Anglais, évidemment. Tout un petit faible personnellement pour l'essai du bout du monde. Ah. Peut-être Mathieu. Moi, je serais sur du 93, malheureusement. Je resterai sur l'essai contre les Anglais aussi. Je crois que, messieurs les Anglais, le peuple a parlé. On écoute ça. La tentative de Simon Hutchinson. Qui passe à côté des poteaux français. Edgar Berbizy qui relance avec Blanco. Blanco qui relance de ses propres. De son propre but, un ballon pour Lafont pour Cella, pour la relance de l'équipe de France, de son propre but, Cella la croisée pour Camara-Vero. On est sur la ligne médiane, coup de pied à suivre, c'est bien joué, Camara-Vero qui récupère le ballon, coup de pied de recentrage, Philippe Saint-André arrive, plein champ pour le premier essai de l'équipe de France, superbe, quel essai des Français, après seulement 11 minutes dans ce match, premier essai pour l'équipe de France, un essai de 110 mètres, avec au départ une relance de Serge Blanco. Un essai magnifique. C'est là qu'il va attendre du soutien. L'escarbourg, j'allais dire. Camara-Vero arrive pour la croiser. Et regardez un peu ce que fait Didier Camara-Vero. Coup de pied à suivre pour lui-même. Il récupère la balle. Il a tourné la tête, il a aperçu Philippe Saint-André au centre du terrain. Il donne un petit coup de pied de recentrage. Et Philippe Saint-André n'a plus qu'à aller aplatir entre les poteaux. Un essai d'anthologie réalisé là par l'équipe de France. Voilà, alors ça illustre le French Flair. C'est vrai que c'est mieux avec l'image. Mais vous vous souvenez tous, chers auditeurs, j'imagine, et chers invités de cet essai. Bien que nous n'étions pas très très vieux à cette époque. Alors le French Flair, mon cher docteur, comment envisager ce sujet? Comment questionner nos invités à ce sujet? Bien, on a eu quand même, grâce à cette petite ponction sonore, un exemple par exemple d'une intelligence qui s'est faite rare actuellement dans le rugby moderne, qu'on a revu récemment lors du match Galles-Angleterre, le coup de pied de recentrage. Coup de pied de recentrage, généralement banni des terrains de rugby, mais qui a permis aux Gallois tout de même de battre les Anglais, au final, puisque c'est par ce biais-là qu'ils ont fait la différence. Donc, le French Flair, c'est un, si tant est qu'il existe, c'est une capacité d'adaptation en fait, à des situations de jeu qui ne sont pas classiques. Or, le gros problème, c'est que le rugby est de plus en plus classique, de plus en plus organisé, avec des stratégies qui sont mises en place à l'avance, et les joueurs ont beaucoup de mal, d'après moi, à se sortir de ces stratégies qui ont été mises en place. Et c'est tout le problème de cet éventuel French Flair, de ce jeu à la française, mais même du jeu rugby en général, qui maintenant a vraiment énormément évolué depuis le professionnalisme aussi, qui a forcément joué dans cette optique-là. Et donc c'est vrai qu'on a perdu finalement toute la spontanéité qui faisait la beauté de ce jeu et qui est illustrée lors de ce passage sonore. Donc je pense qu'il y a un lien évident avec la professionnalisation du rugby à partir de 95 et de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et voilà. Mais après, je pense que d'autres équipes montrent qu'en fait, il est possible d'inventer au rugby. Les équipes notamment du Pacifique, Fidji, Samoa, éventuellement Tonga parfois, nous montrent qu'il y a des possibilités. Et c'est vrai que moi, ce que je reproche énormément au rugby, notamment français, depuis l'ère Laporte et maintenant de cette ère Saint-André, c'est cette incapacité à s'extraire finalement des règles tactiques énoncées par des entraîneurs qui ne voient pas bien loin. Mais bon, peut-être mes invités ne sont pas. Je vois Monsieur Camoun opiner du chef. Absolument, non, mais je suis très d'accord avec le doc. Ce qui est paradoxal d'ailleurs, car on l'a vu sur cet extrait que c'était laissé marqué par Philippe Saint-André, et qui aujourd'hui est le sélectionneur et entraîneur de l'équipe de France, et qui, j'ai l'impression, par ses tactiques et mises en place de ses joueurs, ne permet plus du tout cela. Quoi. Après, malheureusement, il a raté son dernier match, et on est un peu sévère avec lui ces derniers temps, mais je trouve que Fred Michalak pourrait un petit peu représenter cela. Dernièrement, sur les premiers matchs des poules, il a tenté des choses, pris des risques. Mais c'est vrai que c'est de très rares événements, très rares épisodes. Et en général, nous restons dans les sentiers battus. Et ça passe très très mal pour l'équipe de France, oui. C'est le cas depuis le début, en fait. Enfin, depuis très longtemps, les équipes les plus tactiquement loties gagnent les Coupes du Monde, gagnent des matchs importants. Et depuis le début, les équipes qui ont ce French Flair et qui ne sont pas forcément françaises perdent. Parce que trop aventureuses. Ouais, elle crée du jeu, mais elle ne gagne jamais, quoi. Donc c'est pas vraiment une nouveauté. Laporte, ce qu'il a fait, c'est qu'effectivement, il a professionnalisé le jeu, mais en aucun cas il a changé la donne. Enfin, le French Flair est un style de jeu où a priori tu ne gagnes pas, quoi. Les équipes australiennes et néo-zélandaises sont beaucoup plus professionnelles et tactiquement mieux loties et gagneront à chaque fois. J'y comprends rien, mais c'est une question qu'on peut se poser pour plein de choses. Comment est-ce qu'à partir du moment où on arrive sur des formules qui fonctionnent parce qu'il y a un certain savoir-faire ancestral et qu'on sait que ça va marcher de cette manière-là, prendre des risques, c'est toujours intéressant, mais est-ce que dans le sport, le but, c'est de gagner? Donc si les vieilles tactiques font qu'on gagne, le beau jeu, c'est dommage, mais j'ai l'impression que l'entertainment au rugby commence à avoir son emprise aussi, et donc forcément, s'il commence à y avoir du spectacle, il commence à y avoir des bonnes vieilles recettes qui font que ça tourne, quoi. Ça, c'est évident. Effectivement, après, c'est souvent les spécialistes ou les amateurs qui vont se passionner justement pour des gens qui vont avoir des stratégies un peu plus décalées, des choses un peu plus originales, sans avoir forcément le succès des grosses machines et des bonnes vieilles recettes éculées. Bon. La comparaison, du coup, est facile. Cher Mathieu Poulain, avec la musique peut-être. La musique est toute autre forme, je pense, de créativité, quelle qu'elle soit. Hein. En littérature, c'est pareil. Hein. Les grands livres originaux, révolutionnaires, etc., sont toujours un peu à la masse. Et c'est bien après que, finalement, elles sont, on va dire, assimilées dans certains aspects par le mainstream. Quoi. Donc je pense que c'est aussi... les grosses équipes tactiquement bien loties vont probablement aller piquer des petits bouts de choses très exceptionnelles, très aventureuses chez des joueurs atypiques pour les incorporer à leur recette. Puis après, je pense qu'il y a l'histoire de l'argent et de la pression financière qui pèse, qui fait qu'on prend moins de risques aussi. Enfin, ça, c'est très con. Hein, absolument, mais... malheureusement. Mais c'est des remarques tout à fait justes. Hein. C'est sûr que la médiatisation de ce sport, notamment, qui est soi-disant le sport numéro 2, alors peut-être que c'est vrai en France, hein, mais bon, je pense que ça ne joue pas, effectivement, pour mettre de la folie, et, puisque le résultat, c'est la victoire avant tout. Et c'est vrai qu'on a ça dans les systèmes sportifs, où, qui sont des systèmes vraiment avec en même temps de l'argent au bout, donc la victoire est extrêmement importante. Alors que dans d'autres systèmes, il va y avoir effectivement peut-être de l'argent pour tout le monde. Dans le système musical, on va dire, c'est pas tout le monde peut participer. Alors en rugby aussi, tout le monde peut participer un petit peu, mais peut-être pas à un niveau voilà, qu'on aimerait voir. Et c'est vrai que là-dessus, Thomas a absolument raison. Tactiquement, c'est toujours les équipes solides tactiquement qui l'emportent. On n'a jamais vu une équipe finalement un peu fofolle gagner au rugby. Ça n'existe pas en Coupe du Monde. Parce qu'après, ça existe lors de test match. Une équipe comme l'équipe de Galles, par exemple, en 2011, était une super équipe qui avait malheureusement perdu contre des bien tristes Français, quoi. Mais, Mais là, pour le coup, la dernière Coupe du Monde, il y a eu un match assez fou quand même. C'était le Japon contre l'Afrique du Sud, où l'Afrique du Sud tactiquement rodée, les Japonais complètement foufou, et ils les ont battus en fait, et de manière absolument hallucinante. C'était assez beau à voir. Bon, ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, c'est sûr, mais un match assez plaisant à regarder. Ça arrive. Alors, si le French Flair appartient peut-être un peu au passé pour l'équipe de France, qui sont, selon vous, chers docteurs, chers invités, les joueurs qui ont incarné ce French Flair et qu'ont-ils apporté à cette discipline qu'est le rugby ? Je sais, avec vous, docteur, quand on a préparé cette émission, que vous me parliez notamment des frères Boniface et d'un certain Petit Prince, dont le nom m'échappe là maintenant. Didier Codorniou. Voilà. Le fameux Didier Codorniou. Le fameux Didier Codorniou, le maire de Gruissan. Voilà. Un Mitterrandien forcené, dès les années 80. Qui est passé chez les radicaux de gauche, hein, je crois. Qui est passé chez les radicaux de gauche. Mais peut-être que Tonton aurait fait pareil. On ne peut pas lui jeter la pierre. Même si Tonton aurait peut-être été un peu plus loin encore. Donc bon, allez, Didier, c'est pas grave, on te pardonne. Donc qui est ce Petit Prince alors ? Ah bah Didier Codorniou, c'est un super trois-quarts centre. Hein, ça fait partie de ces trois-quarts centres qui sont... qui ont des appuis incroyables, qui sont capables de contourner les défenses et surtout de passer entre des joueurs, de créer des décalages. Et c'est vrai que c'est un peu un autre rugby, c'est le rugby filiforme, quoi. Quand on voit les joueurs de rugby des années 80, ils n'ont pas du tout le même physique. Quand on voit la ligne de 3-4 actuelle, par exemple, du 15 de France, c'est quasiment flippant, quoi. À part Dulin, qui est peut-être pas non plus un monstre, les autres, c'est juste des armoires à glace. Et quand on voit un joueur comme Bastaro, enfin, je comprends pas comment est-ce qu'il fait là. Puisqu'en fait, il est fait pour tamponner. En fait, pour tamponner l'adversaire, faire mal à l'adversaire. Et c'est vrai qu'on voit que des joueurs, même le numéro 9, Tiusbord, qui est pas un mauvais joueur, mais qui est super costaud, super physique, il disait, finalement, sa conclusion, c'était « Bon, on a bien défendu, on leur a fait bien mal. La preuve, ils ont 3 blessés sérieux. » C'est complètement aberrant, en réalité, comme système de jeu. Mais bon, c'est l'héritage, quand même... en France, c'est quand même très très fort. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de Bernard Laporte, c'est que Saint-André reprend quand même à son compte finalement tout ce système défensif qui, effectivement, si on veut gagner une Coupe du Monde, est très important. Mais de là à avoir une si faible inventivité défensive, ça va quand même un peu loin. Mais bon, juste mon avis. Alors, quid des frères Boniface ? Selon vous, ils auraient inventé la passe croisée ? Ah bah bien sûr. Hein. Les frères Boniface, hein, c'est des petits gars de Montfort en Chalosse. Hein. Donc, hélas, c'était un triste destin pour l'un des deux frères. Il n'y a que André qui a survécu, puisque son frère est mort assez jeune d'un accident de voiture, comme ça arrive souvent dans le rugby landais, hélas. Bah, c'est vrai. C'est assez terrible, hein, comme affaire. Mais voilà, sur des petites routes, il se passe toujours des choses un peu dramatiques. C'est les pins et les sangliers, mon cher Mathieu, parce qu'il y en a des sangliers dans les Landes. Et donc voilà, c'est des gens qui jouaient au Stade Montois. Hein, ça, c'est pas forcément à leur honneur, étant donné que je serais plutôt US Dax. Mais ils ont quand même fait énormément pour le rugby, jusqu'en équipe de France, où ils ont été très peu associés. Mais ils ont fait quelques belles choses. Et c'est vrai que c'est normalement, d'après ce que je sais, les inventeurs de la passe croisée. Et vous, chers invités, on a entendu tout à l'heure, Martin, vous citiez aujourd'hui Fred Michalak comme possible héritier de ce French Flair. Un petit peu, oui. Il y a peut-être eu d'autres joueurs qui vous ont fait rêver dans votre jeunesse. Oh, oui, dans la jeunesse. Je ne serais pas très original en citant évidemment Serge Blanco, qui était un relanceur, un arrière d'exception, un des plus grands joueurs de tous les temps, je pense. Oui. Moi, j'étais assez jeune, même pas adolescent, mais j'ai déjà pu voir et comprendre à l'époque... Il était incroyable et qu'il avait des appuis aussi extraordinaires, qu'il était capable de relancer de sa ligne et d'en but et sur 50 mètres parfois ou même plus. Un joueur incroyable. Même génération, j'aimais beaucoup Philippe Sella. Moi. Philippe Sella, trois quarts centre, et qui était qui en gros créait des passes absolument folles ou trouvait des espaces complètement incroyables. Un joueur assez admirable. Alors moi, je ne m'en rappelle plus très bien, mais c'est les noms. Il y en a un, je crois que c'était un Sud-Africain qui s'appelait Campese. Ouais, c'était un Australien. Un Australien, ouais, j'aimais bien son nom. Et il avait un bon style. Il avait un bon style. Ouais, un peu. Bien en appui. Un peu dandy et tout. Et il y avait l'homme et demi aussi, j'aimais Olivier bien. Olivier Merle. Voilà, Olivier Merle. Mais c'est bien connu pour son French Flair d'ailleurs. On l'a appelé l'homme et demi, mais j'ai trouvé ça fantastique, t'imagines, ouais. Salut. Fantastique. Ouais. Olivier Magne, c'est vrai qu'il y a une génération où il y avait beaucoup de joueurs et son casque emblématique de Charlie. Di Charlie. Non mais ce mec-là créait pas de jeu du tout quoi, c'était des bourrins, c'était parfait. Olivier Merle, mais il en faut dans une équipe. Magne, j'adore. Moi c'est Olivier Merle, c'était trop bien. Il sortait. Ne parlez pas tous en même temps. Ne parlez pas tous en même temps. Pensez à nos chers auditeurs. Bien sûr. Dont les oreilles sont sensibles. Si on parle de French Flair, on cite pas Olivier Magne ou Merle, c'est impossible quoi. Olivier Magne était tout de même un flanqueur coureur. Je rejoins là-dessus. Je vous propose d'écouter quand même cet essai du bout du monde, comme ça on va réentendre pas mal de ces noms-là. Un quart d'heure de la fin du match et on va un peu plus loin. Il ne reste plus que 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Le score est toujours de 20 à 16 pour les Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais qui se dirigent donc vers une victoire. Les Français qui vont peut-être laisser échapper cet exploit. Mais il reste 3 minutes pour essayer d'inverser la tendance. Et le ballon pour les Néo-Zélandais. Avec Bauer. Bauer qui demande le soutien de Fitzpatrick. Et ils essaient d'enfoncer les avant-français. Ils progressent. Ballon sorti par Karouane. Coup de pied dans le dos de la défense de l'équipe de France, mais ballon récupéré par Philippe Saint-André. Philippe Saint-André dans ses 22 mètres, qui sort ses 22 mètres. La relance des Français avec Saint-André qui évite le plaquage. Il est pris, il attend du soutien. Ballon toujours pour l'équipe de France. González, Dello. Dello qui continue à relancer cette équipe de France. Benazi maintenant qui évite le plaquage. C'est bien joué, il retrouve Ntamack. Ntamack qui revient à l'intérieur avec Cabane. Cabane qui croise avec Delegue, Delegue dans les 22 mètres de Néo-Zélandais. Il trouve à ses côtés Akosemeri. Akosemeri qui va aller au bout, il donne à Sadourny. Et l'essai des Français, un essai de 80 mètres qui va permettre à cette équipe de France de remporter cette rencontre. Un deuxième test match qui signifierait une série victorieuse en terre néo-zélandaise. C'est un exploit extraordinaire qui est en train de réaliser l'équipe de France après cet essai venu du bout du monde avec au départ une relance de Saint-André. Et le relais de tous les Français quasiment. Ntamack qui va revenir à l'intérieur avec Cabane au soutien. Cabane à la croisée magnifique pour Delegue. Delegue qui évite un plaquage. Il a Akosemeri à ses côtés. Et Akosemeri qui voit qu'il ne pourra pas aller au bout. Quelle lucidité de la part du demi-mêlée de l'équipe de France qui peut donner au Columérin Jean-Luc Sadourny qui va marquer un essai de 80 mètres. Lui qui avait marqué déjà un drop lors du premier test. Qui honore aujourd'hui sa 22e sélection à 28 ans. Les Français passent devant au score dans les ultimes secondes de ce match. Et la transformation à venir que va tenter Christophe Dello. Les Français mènent 21 à 20. Il ne restera que quelques secondes à jouer derrière cette transformation. Dello pour la transformation. Celle peut-être qui va assurer la victoire de l'équipe de France dans l'Eden Park d'Auckland. La transformation qui passe entre les barres et la France va s'imposer 23 à 20 en Nouvelle-Zélande. Voilà, cet essai du bout du monde marqué par Jean-Luc Sadourny. Je reviens moi sur les frères Boniface un petit instant. C'est l'occasion de parler, mon cher docteur, d'une revue qu'on a feuilletée ensemble, la revue des sports. Ah oui. Dont le numéro actuel est consacré à la Coupe du Monde de rugby. Il y a une charmante petite bande dessinée qui est... qui illustre la vie des frères Boniface. Oui. Vous l'avez lu, qu'en avez-vous pensé? Eh bien, j'ai trouvé que c'était une bande dessinée qui est touchante, puisque effectivement, elle mêle deux ou trois aspects du sport qui sont en même temps le bonheur en fait de jouer ensemble et la tristesse de perdre quelqu'un. Voilà, c'est assez joli parce que c'est court, c'est agréable. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça mérite d'acheter des sports, mais on peut toujours le feuilleter dans une librairie agréée. Par exemple. C'est... J'en connais quelques-unes. C'est une bande dessinée donc, qui est publiée dans la Revue des Sports qui s'appelle Adieu Guy Boniface, dessinée par Jean Aramba. Et ce même Jean Aramba, d'ailleurs, ça va vous intéresser, docteur, a publié une autre bande dessinée qui s'appelle En même temps que la jeunesse et qui est elle aussi consacrée au rugby, puisque c'est un homme du rugby, ce Jean Aramba. Ce n'est pas Jean Aramba Daniel. Ce n'est pas Jean Aramba Daniel. Renommé Daniel Tropico. Oui, aujourd'hui. Qu'il est trop, ce Daniel. Alors, le French Flair, le débat sur le French Flair touche à sa fin. Bernard Laporte, j'ai l'impression, aurait tué le French Flair. C'était une de vos grandes citations, ça, cher docteur. Vous détournez mes propos, mais... C'est ce qui se dit. Mais c'est ce qui se dit, c'est ce qui se dit. Vous avez dit ça plusieurs fois. Et... Il le nie, il l'a même nié. En tout cas, Bernard Laporte parle dans une petite interview, du frère Boniface qui est encore vivant, donc c'est André, j'imagine. Oui. Il en dit ses doux mots. J'ai même pas envie de parler d'André Boniface, je m'excuse. Je préfère parler de mon papa qui comprend encore moins qu'André Boniface, mais qui était content. Mais c'est marrant parce que j'ai reçu 20 textos d'anciens joueurs, de Béziers, etc., etc. Là, maintenant, il me dit c'est merveilleux, ce gros con, il ferme sa gueule. Bon, voilà. on n'est pas là. Mais on n'est pas là pour ça, quoi. Je veux dire, si on donne du pouvoir à André Boniface qui a tout manqué dans sa vie, alors on va, quoi. Je veux dire, moi demain, je vais dire à Hollande qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. C'est pareil, quoi. Tu vois, il faut arrêter, quoi. Il faut être un peu sérieux, quoi. Faut être un peu sérieux, dit Bernard Laporte. C'est finalement exactement ça. Il a tué le French Flair avec beaucoup trop de sérieux. C'est ce que je crois comprendre de ce débat. C'est possible. Comment ça se passe cette émission pour vous, docteur, et les invités? Qu'est-ce qu'on propose maintenant? On se propose une petite intermède musicale, peut-être. C'est ça qui vous ferait plaisir? Avec grand plaisir. Alors, j'ai en stock une petite chanson des frères Jacques, je crois. Voilà. Qui s'appelle « C'est ça le rugby ». Alors je vous laisse commenter ce titre le temps que je retrouve ce fichier son, puisque là pour l'instant je ne l'ai pas. Ah si, le voilà. Hop, allez, magnifique. On se fait un petit frère Jacques. Évidemment, par l'équipe de Montauban, mais quand l'équipe de Montauban s'en va jouer à Perpignan, elle est battue, c'est évident, par l'équipe de Perpignan. On a le sport, c'est la loi du sport, vas-y, vas-y, c'est ça, rugby. Quand l'équipe de Perpignan s'en va jouer à Montauban, ils ont grosse évidemment quelques filles de Montauban, mais quand l'équipe de Montauban ça va jouer à Perpignan, ils ont grosse c'est évident quelques filles de Perpignan. Or le fort, c'est le roi du sport, vas-y petit, c'est ça rugby. Les fils des filles de Perpignan, faits par les joueurs de Montauban, font du rugby quand ils sont grands dans l'équipe de Perpignan. Mais les fils des filles de Montauban, faits par les joueurs de Perpignan, jouent au rugby quand ils sont grands dans l'équipe de Montauban. Or, alors, fort, vas-y, petit, c'est ça le rugby. Cette balle sur Perpignan, ça va jouer à Montauban. Ou Montauban à Perpignan, et Perpignan et Montauban, t'es certain, pas de si Perpignan, ne joue pas contre Perpignan, Montauban contre Montauban, et c'est pour ça évidemment que dans l'équipe de Perpignan, ça va jouer à Montauban, elle est battue évidemment par l'équipe de Montauban, qui est battue, c'est évident, parce qu'elle joue à Perpignan, c'est pour ça que tout le monde est content, à Perpignan et Montauban, car à la c'est ça. C'était donc les frères Jacques. C'est ça le rugby. J'aimerais bien vous entendre, Mathieu Poulain, spécialiste musical s'il en est, sur ce plateau, sur les frères Jacques. Vous avez un avis, j'imagine. Ah oui, ouais, moi je suis très client. J'ai pas eu du tout une éducation musicale très francophone, hein, mais je sais pas, sans être un aficionado vraiment, toute cette chanson française un peu maligne, qui se prend pas au sérieux et qui est tout dans la performance du moment, hein, puisque les frères Jacques, c'est un peu ça aussi, quoi. Ça me séduit énormément. Cette chanson-là me séduit beaucoup plus que la chanson française poésie torturée, en fait, qui m'a jamais trop intéressé. Et j'aime beaucoup ça. Et je sais que, par exemple, en lisant les BD de Sfar, qui est vraiment un inconditionnel aussi, j'ai réécouté ces trucs-là et ça me plaît beaucoup, quoi. Ils sont très drôles, très fins, et surtout, ils ont un stock de chansons incalculable. C'est des mecs qui écrivaient en permanence, je pense. Et ouais, ça me plaît beaucoup. Mais parlons de vous, puisque vous avez la parole, si vous me permettez, docteur. On va poursuivre, bien sûr, sur le sommaire rugbystique juste après. Mais parlons un petit peu de l'actualité de Mathieu Poulain, connu du grand public, premièrement sous le nom de O Tiger Mountain. Mais aujourd'hui, vous faites partie d'un band, un husband, avec les amis, je crois bien, sans me tromper, Kid Francescoli, et un membre du groupe Nasser. Je crois que tout roule pour vous, hein. Vous êtes sur la voie royale là, maintenant. C'est pas trop mal, là c'est bien. Et justement là, en décembre, on fait un grand concert à l'espace, un grand gala, hein, à l'espace Julien, du cours Julien, comme on le connaît ici, où nous sommes tous réunis, c'est-à-dire on partage un studio avec donc mes camarades de Husbands et leurs projets respectifs. Et nous allons être tous réunis sur scène pour faire un concert tous ensemble où nous allons tous jouer sur les titres des uns des autres, faire un peu n'importe quoi. C'est le 5 décembre à l'espace Julien. Une soirée ne pas manquer. Ça va être très très drôle puisque voilà, on va se retrouver avec des configurations un peu curieuses où les qualités des uns et des autres vont se mélanger puisque ce sera pas chacun fait son concert. On est assez excité par cette chose-là. Faire régulièrement des trucs à Marseille un peu curieux, c'est vraiment marrant. Alors le 5 décembre à l'espace, ouais, Julien, Martin Camoun y sera. Oui, les auditrices maintenant sont au courant, absolument, et sont ravis de le savoir. Je ne sais pas si Thomas Quentin y sera. Le doc, je pense, y sera, lui certainement. Ah, je suis un aficionado de l'espace Julien. Bon. Plus que de la Maisonne, je crois. Je crois l'avoir compris. Effectivement. En tout cas, revenons au rugby. Seconde mi-temps, la bite contre la porte, le duel des managers en Provence. Je crois, docteur, que vous vouliez évoquer les clubs provençaux de rugby, puisqu'il n'y a pas que le Sud-Ouest qui comporte de charmants et jolis clubs de rugby. Effectivement, il y a aussi une tradition du rugby en Provence, hein. Alors, c'est vrai que comme je suis avec des acteurs du rugby provençal, en réalité, hein, puisque c'est des gens qui ont quand même joué dans leur jeunesse dans un club des Bouches-du-Rhône, hein, ça c'est pas rien, même à un excellent niveau parfois, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je voulais faire un rapide diaporama en fait du rugby en Provence, qui pour l'instant... Une sorte de soirée Pecha Kucha, hein, que vous nous proposez donc du coup. Je ne connais hélas pas. Vous ne connaissez pas le Pecha Kucha, mais on en parlera non, en sortant. Désolé. Alors bon, on va vite passer sur l'épisode de Vitrolles. Alors c'est un club qui va échouer aux portes de la D2 en 2009 et qui surtout va rester dans les mémoires pour avoir fait venir John Alomou pour quelques matchs en fait. Voilà, on rappelle qui est John Alomou. Alors John Alomou, c'est un trois carrel emblématique des All Blacks qui, durant les années 90, en fait, complètement. Il n'a pas révolutionné le rugby, mais c'était une icône du rugby puisque c'était un mastodonte en fait qui le était French capable flair. De faire le 100 mètres en 11 secondes. Alors il n'avait pas vraiment de French flair, mais il avait une capacité à renverser. 5 types à la suite, quoi. Et c'est vrai qu'il avait notamment marqué les esprits contre les Anglais en 1995 en piétinant quelques sujets aviateurs de Sa Majesté britannique. Donc voilà, John Alomou à Vitrolles, alors ça c'était un peu le feu de paille, un peu comme l'OM Vitrolles de handball, hein, qui avait donc défrayé un peu la chronique du handball dans les années 96. Voilà, hélas, bon, bah, c'est en Provence que John Alomou va donner une triste fin à sa carrière, qui était pourtant une belle carrière, et qui est un type qu'on aime bien, puisque voilà, il a vécu des choses un peu difficiles dans sa vie. Il a un petit côté sympa. Le nouveau venu dans le panorama de l'Ovalie Provençal, c'est le Provence Rugby. Donc c'est le nouveau nom du Provence Ex Rugby Club. Donc c'est un club qui fait l'ascenseur depuis maintenant 2001. Il fait l'ascenseur entre la fédérale et la Pro D2. Voilà, donc c'est un promu. Il est entraîné bien sûr par le manager Christian Labitte, l'ex-troisième ligne du Stade Toulousain et du 15 de France. Voilà, et on ne sait pas si ce manager formidable va pouvoir faire en sorte de conserver le parc, donc ce club des Bouches-du-Rhône, dans l'élite. Voilà, pour l'instant, il est avant-dernier donc d'une Pro D2, qui est quand même très relevée, puisqu'aux dernières places de la Pro D2, de la deuxième division donc, du rugby, on trouve Bourgoin et Perpignan. La star du rugby en Provence, est-ce qu'on peut parler de Provence ? Pour le RC Toulon, c'est possible quand même, ça reste la porte de la Provence, Toulon. C'est le Var, mais bon. Beaucoup de supporters du RC Toulon tout de même en Provence, hein. C'est quand même le club phare. C'est un club important, un club un peu équivoque, le club rouge et noir qui doit ses couleurs notamment à son parrain toulousain historiquement. C'est une histoire qui est liée d'ailleurs à la marine, en fait aux marins de Toulon. C'est pour ça que le sport a débarqué assez récemment, puisque le rugby est un sport... qui a très souvent été amené sur le territoire français par les Anglais au final. Et donc c'est vrai que la marine apporte ce genre d'échange. Pas que cela d'ailleurs, mais bon. Voilà, c'est une histoire qui est ancienne. Il y a eu un bouclier de Brennus, donc un titre de champion de France en 31. Et puis ensuite, il y a une époque de gloire avec Daniel Herrero aux commandes. Alors Daniel Herrero, c'est ce formidable entraîneur avec un bandana rouge, des cheveux blancs, voilà. La barbe. Et donc une barbe formidable. Et c'est grâce à lui que triomphe Toulon en 1987 pour son deuxième titre. Voilà. Et c'est vraiment quelqu'un qui est assis sur les valeurs guerrières de Toulon. Alors. Le nouveau Toulon, celui qui fait l'histoire maintenant, c'est un nouveau Toulon, une équipe de mercenaires, comme on le qualifie. Le même Daniel Herrero dit par exemple que c'est une équipe qui pourrait gagner la Coupe du Monde. Voilà, c'est vrai qu'il a 40 ou 45 joueurs internationaux. On rappelle que le rugby ne compte que 15 joueurs sur un terrain, donc ça fait quand même beaucoup. Voilà, il est notamment... C'est un club qui est commandé d'une main de maître par le terrible Bernard Laporte. Encore lui. Toujours lui. Hein. On le retrouvera peut-être pour les commentaires avec l'ami Christian Jean-Pierre, ce terrible Bernard Laporte. Et voilà. Et il est aussi présidé par un virevoltant éditeur de BD qui s'appelle Morad Boudjelal. Voilà. Donc. C'est un club qui a un palmarès qui est très important récemment, puisqu'il a gagné 3 Coupe d'Europe d'affilée, les 3 dernières. Ceci dit, il a un seul bouclier de Brennus en 2014, donc bon, son histoire nationale, elle reste à être construite. Voilà, donc pour être tout à fait précis sur le rugby en Provence, il ne faut pas oublier le SMUC, ça c'est le Sporting Club marseillais, hein, faut pas oublier Aubagne, Berre, et puis bien sûr le Sporting Club salonnais. Ah voilà. Champion de Provence 2015, le Sporting Club salonnais. Voilà. Mais bon, sur la toile, il a un peu du mal à faire éclipser, à ne pas se faire éclipser par son faux frère, le RC Salon 13. Et oui, il y a une affaire, il y a un lièvre à Salon. Et on va en parler, à mon avis, un petit peu plus longuement. Maintenant, voilà. Tout de suite. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au niveau du 13 et du 15 à Salon ? Ça date d'il y a un petit moment déjà, mais c'est simplement le rugby à 13 à Salon a percé assez rapidement, parce que dans les années 2000, je pense, le club de 13 a fait venir pas mal de joueurs australiens, et donc ils ont été champions de France. Alors, je ne sais pas si c'est ce dont tu parles, mais donc ça a un peu marqué les esprits, tout du moins à Salon de Provence, donc pas vraiment. Et le club de 15 a pas vraiment gagné grand chose, quoi. C'est tout le problème. Pour le coup, notre équipe, on a fait pas mal de finales qu'on a perdu quand même. Mais oui, mais l'important, c'est de participer. Voilà, on était pas mauvais, mais en tout cas, on n'a pas autant gagné que les 13istes. D'où le problème. Parce que vous jouiez donc tous les deux sous les mêmes couleurs, donc ces fameux jaunes et noirs, comme les wasps. Oui, les abeilles. Oui, les fameuses. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même, quelques beaucoup d'éclats. Hein. On a joué des braves équipes, hein, comme on dit chez nous. Ouais, mais je pense qu'on représente bien le French Flair parce qu'on a on a fait de beaux matchs et on n'a jamais gagné en fait les vrais matchs, ouais, les finales. Donc on est des éternels second, voire troisième, voire quatrième. Mais en tout cas. Il y avait de fort beaux éléments dans cette équipe. Oui, je pense qu'il y avait on a surtout eu ce truc du rugby de petits clubs aussi, ouais. où c'est aussi là qu'on va trouver deux, trois éléments extrêmement brillants qui jouent largement au-dessus du reste. Et malgré nos échecs consécutifs face à des équipes comme Clermont-Ferrand ou Brive, qui sont vraiment des grosses équipes. Ou Toulon. Équipes. Oui, voilà, Toulon. Mais il y avait... quand même ces joueurs, je pense Guillaume, Valère, etc., des joueurs qui avaient un vrai talent, où on pouvait percevoir que ces types-là en fait, avaient la même chose que les mecs contre qui on jouait. En fait. Guillaume Schmitt. À 14 ans, c'est vraiment l'âge où on repère le talent vraiment pour jouer. Et c'était assez marrant de voir justement la part un peu freestyle des types comme moi qui faisaient du sport adolescent et d'autres gars qui avaient vraisemblablement quelque chose de plus dans l'intelligence de jeu, dans l'intelligence du collectif et d'être un peu sympa avec tout le monde. Enfin, ouais. C'était un truc je pense qui était assez marquant de voir ces types-là jouer au rugby. En fait, c'était assez agréable. C'est presque mon meilleur souvenir du sport collectif, voir des types vraiment s'en sortir en fait. Ouais, puis à notre niveau, en fait, clairement, ce qui s'est passé, c'est une alchimie entre des gars qui, dans le sport, assurent de base, en fait, physiquement, et puis dans la tactique, et d'autres personnes qui sont, nous, on n'était pas forcément très sportifs, et on arrivait à s'entendre clairement, et puis c'était un peu le charme de ce sport, c'est d'arriver à lier 15 mecs à un moment sur un terrain, sur... des valeurs entre guillemets et de s'en sortir pendant 80 minutes et surtout de s'entendre en fait. Ça a toujours été un plaisir relatif quoi, mais un plaisir quoi. Mais pour les auditeurs qui ne nous suivent pas totalement, il y a bien une épopée ou à quelle époque vous parlez exactement en réalité? Ça se passait bien quand même quand on y était au Sporting Club Salonnais. Ouais, 94. Disons que nous, on a tendance. Vous étiez en junior ou vous étiez en quelle catégorie? En fait, non, on a commencé très tôt avec Mathieu. Je pense que tu as commencé en poussin. À 8 ans. En mini poussin. Ouais, donc on a commencé très petit. Donc, et on s'est suivi. Et je pense que toute l'équipe s'est suivie pendant une petite dizaine d'années. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai arrêté à 17 ans, je crois. Ou peut-être un peu avant. Non, c'était en troisième que j'ai arrêté parce qu'ils m'ont passé seconde ligne. Cette époque-là, on était quand même allé faire des championnats de France. Ouais, beaucoup d'appels pour nous dire là au standard, beaucoup d'appels d'auditrices notamment pour nous dire que Mathieu Poulain doit parler un peu plus près de son micro. Ah oui, excusez-moi. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez la parole, c'est bien parce que je crois que vous incarniez quand même à votre manière assez bien le French Flair sur les terrains salonnais. Martin Camoun dit la balance. Nous a conté cet après-midi une très belle anecdote qui montrait parfaitement bien votre sens de la répartie en cas de conflit sur un terrain de rugby. Ah oui, j'ai sorti ma bite. Ah voilà. Tout simplement. Absolument, je me suis permis, excuse-moi Mathieu. Mais... Non mais c'était en fait, à un moment donné face à une menace d'agression, comme certains animaux peuvent émettre des odeurs, j'ai tendance à me dénuder pour montrer pour montrer ma vulnérabilité et prouver à mon adversaire que je refuse le conflit. Et ça a très bien marché et j'ai adoré ce moment-là. C'est-à-dire que, en général, ce qui se produit est un mélange d'incrédulité, de surprise et d'effroi. C'est un moment absolument mythique, je crois, quand même. Quoi. Rappelons Quentin, exactement cet épisode. C'était un match peut-être contre Gignac. Contre Gignac tout seul. Pas André Pierre, hein, oui. Mais c'est le problème en fait de ce département, c'est que du coup il y a très peu d'équipes et on était confronté à souvent des personnes qui voulaient se battre en fait. Et nous on avait une équipe de personnes qui n'aiment pas se battre, donc on a essayé de trouver des subterfuges et Mathieu était un peu notre drapeau à ce niveau-là quoi. Donc on se démerdait pour pas se filer nous. C'était une répartie corporelle, on pourrait dire. Quoi. Disons que j'ai été au rugby, ce que Looping a été à l'agence touriste. Bah, ça, c'est assez beau. Aujourd'hui, on dit que du coup, le porte-drapeau du rugby provençal serait le RCT, c'est bien ça. Est-ce qu'on écoute Bernard Laporte, cher docteur, puisqu'on a malheureusement préparé un petit florilège de quelques-unes de ses belles paroles? Je crois qu'on est bien obligé d'écouter Bernard Laporte, hélas, quand on aime le rugby. Allez, c'est parti. On a une équipe de France de hand qui va jouer un quart de finale contre la Croatie. Si on aime notre patrie, si on aime nos joueurs, si on aime notre équipe de France, je crois qu'il y a des choses qui ne doivent pas sortir dans la semaine. On peut attendre quand même 15 jours avant de relancer une enquête sur ci, sur ça, sur là. Il y a des choses qui me dépassent. Voilà. Alors si la presse, c'est ça, c'est-à-dire mettre le bordel partout, etc., putain, jamais je veux faire ce métier. Non, mais ça me dépasse, ça, quoi. On ne peut pas attendre 15 jours, laisser le gamin dans la tranquillité, enfin, le gamin et l'équipe dans la tranquillité. Alors j'ai malheureusement pas pu voir le match, mais voilà, et qu'en plus j'arrive à minuit hier et que je vois qu'ils ont perdu, mais ça me fout le cul à l'arme, permettez-moi l'expression, quoi. Bon, maintenant on va se filer un peu, d'accord, on va mettre un peu de rythme. Ah, c'est mal, je vais y aller, ce point de record, t'as vite sur les touches, mais là on va y aller le premier, et ça va redémarrer, là. Et ça va redémarrer, et on va les respecter, on va pas faire de faute. C'est clair, ça? Je sais même pas de quoi on peut parler. Je sais même pas de quoi on peut parler, les gens vont le faire. Vous voulez qu'on parle de quoi? De moi, des touches, des mêlées, je sais pas moi. On a rien fait. Dominguez, record, il fait une passe. À 3 tonnes, Dominguez, il prend le ballon, il se retourne. Puis il est bon, je tape. On est capable de le presser là. Merde! On se prend pour qui? Ce matin, Bernard Laporte en a profité pour annoncer un scoop. Bernard, si je puis me permettre, vous n'êtes pas le papa du futur bébé de Rachida Dati. Vous l'avez confirmé. Oui, j'ai annoncé. Oui, fort. Bon, on a eu chaud. Donc, ça, c'est fait. Voilà. Mais pourquoi vous avez tenu à le dire? Il y avait une rumeur ou quoi? Oui, j'en avais marre des rumeurs, des coups de téléphone, etc. Je dis, ouais, ça sert, c'est j'ai un ami qui m'a appelé de New York hier. Ah bon, j'ai dit, attention, il faut mettre fin à ces rumeurs. André Héro, qu'on a croisé l'autre fois, et vous leur avez tellement donné en 2 ans et que maintenant ils en veulent. Mais j'ai dit, mais vous oubliez que vous étiez 9e il y a 2 ans? Et on oublie vite, tu sais. Quand tu baises une laide et qu'un jour tu baises une belle, tu penses que tu as baisé que des belles. Mais non. Et malheureusement, ça a dû t'arriver, ça m'est arrivé, et tôt ou tard tu repasses au ragoût. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans un temps, tu peux faire un exploit. On a tous connu ça, c'est pareil. Il est nul tout le match, mais il est nul avec Grenoble, il est nul avec Toulon, il est toujours nul. Et aujourd'hui, quand on dit attention, c'est Cardona, tout le monde tremble à Toulon. Et tout le monde a tremblé à Grenoble, à Toulouse, etc., etc., parce qu'il est nul. Alors, je ne le dis pas. Si on continue dans ce monde professionnel de travailler avec des amateurs, parce que pour moi, c'est un amateur, c'est quelqu'un qui n'y comprend rien. Si on continue comme ça, eh bien, on va tout simplement à la catastrophe, comme le rugby va. C'est vrai que c'est compliqué pour moi, mais je comprends très très bien que le président du club me dise, Bernard, il faut accepter cette sanction. Alors, c'est pas facile. Heureusement que le coussin m'est offert. Et puis surtout, je vais m'entraîner dès ce soir avec ma femme, parce que 62 coups de bâton donnés par Bakis Botta, sans être vulgaire, ça va quand même me faire mal au cul, quoi, ça c'est clair. Une fois la douleur passée, effectivement, je réintégrerai les vestiaires et c'est quand même le plus important. Oui, après on verra encore une fois, mais d'abord l'entraînement. Hein. Je vais commencer avec ma femme qui, dès ce soir, va me flageller, va me battre. Et puis comme ça, moi j'y arriverai, ça me fera un peu moins mal. Et je vois qu'il n'y a que Guy et moi qui parlons. Il n'y a que Guy et moi qui parlons, parce que c'est comme l'affaire du Donné. Si personne ne parle, d'accord? Excusez-moi, moi je suis le français. Vous voyez? Malévage, il a raison. Il dit, au bout d'un moment, stop. Voilà, même si on dit, c'est pas son rôle. Je dis, c'est qu'il n'y a pas un moment donné qui stop. Alors on dit rien, et on va finir. Il va dire, au bout d'un moment, il faut dire les choses, quoi. Je rigole de la façon, qu'est-ce qu'il va branler là déjà? Si on va aller à l'émission, et puis il n'a pas de ça, disait, on est dans l'autre ciel, on ne sait pas pour qui, mais. Non, mais bon, respecte les gens, au moins de l'éducation, quoi. Au moins ça, quoi. La vie, c'est pas mon problème, pardon. Maintenant, il est très bien avec moi, il m'envoie les textos, il peut se carrer dans le cul. Oh. Eh oui, Bernard Laporte, le poète. Je vous avoue, cher docteur, que c'était pas une grande partie de plaisir que de faire ce petit montage, de se taper 3 heures de. Son de Bernard Laporte, c'était pas super. Mais on a un bel aperçu. C'était beau, merci. On a un bel aperçu de ce qu'est ce personnage, à la fois entraîneur de rugby, sélectionneur, homme politique. Pas mal de casquettes. Gérant de camping. Voilà. Tout à fait. De casino. Casino. Ouais. Associé, ouais, dans des casinos. Et puis un petit procès aussi. Hein, oui, je crois, oui. Ouais. Il a quelques affaires, mais bon, cela finira peut-être à la Pasqua, qui sait. tranquillement dans son pieu. Cher docteur, on en termine du coup avec cette deuxième mi-temps le rugby provençal. Qu'est-ce qu'on fait ? On écoute un petit peu de musique alors pour ce... Bah ouais, ou est-ce qu'on n'a pas une possibilité même de faire un peu de musique live ? Alors, est-ce qu'on fait de la musique live tout de suite ou est-ce qu'on se le garde pour la fin de l'émission ? C'est une question qu'il faut poser à l'invité musicien, peut-être. Qu'est-ce qu'il préfère ? Moi, je suis chez vous. Hein. Je suis chez vous. Quand vous avez envie que je vous interprète une superbe chanson qui ne parlera pas de rugby, malheureusement, vous me faites signe. Je suis aux aguets. On se fait alors une petite pause musicale avec un groupe que je vous ai trouvé qui s'appelle Apocalypsis. Oh, c'est sympa. Ouais, qui est un groupe, je crois, grec. Et qui raconte la mort sur un terrain de rugby. Alors on va écouter ça tout de suite. C'était donc le groupe Apocalypsis. Si. Merci. J'espère que vous étiez content de les écouter. Ah oui. Troisième partie, cher docteur, que vous avez choisi d'intituler, troisième mi-temps, pardon, l'habit au poteau, la masculinité en spectacle. Ah. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire dans cette troisième mi-temps ? De quoi vouliez-vous que nous parlions ? Alors, je voulais parler de cette fameuse troisième mi-temps. Puisque c'est quoi la troisième mi-temps ? La troisième mi-temps, c'est souvent deux phases au final. C'est une phase de triomphe, de retour au vestiaire, éventuellement une phase de défaite, où on peut-être communier avec l'adversaire, on peut respecter l'adversaire, on peut faire une haie d'honneur à l'adversaire, chose qui ne se voit pas dans tous les sports. Et puis il y a une deuxième phase, c'est-à-dire que très souvent, la troisième mi-temps, c'est aussi un moment où on exorcise un petit peu tout, un moment de catharsis. Un moment de furia, un moment où finalement beaucoup s'adonnent à des plaisirs proscrits. La troisième mi-temps, ce sont donc ces deux aspects-là. L'aspect du vestiaire, à mon avis, qui est très important. L'aspect de ce groupe d'hommes en général, puisqu'il y a aussi un rugby féminin qu'on pourra mentionner en fin d'émission, ou avant d'ailleurs. Mais c'est un groupe d'hommes, et finalement, c'est cet itinéraire d'un groupe d'hommes. Et c'est vrai que pour avoir ces hommes devant moi ce soir, il m'intéressait de discuter un petit peu de sujets tels que la sexualité des vestiaires, la réalité des troisièmes mi-temps, arrosés, jusqu'où, comment. Voilà. On a envie de questionner du coup nos amateurs de rugby et de tennis, puisque Martin Camoun a, bien que fin connaisseur de l'Ovalie, était plutôt lui pratiquant du sport à raquettes. Absolument. Je ne sais pas s'il y a autant de troisième mi-temps dans le tennis. Moins, je pense, quand même. En tout cas, vous avez vécu des troisièmes mi-temps, vous aussi. Plus devant la télé que moi-même sur le terrain. Mais oui. Le tennis, oui, ça se pratique moins quand même. Ouais. Bah déjà, vous êtes deux. Voilà. Ouais. C'est moins convivial, quoi. C'est ça. On n'a pas forcément l'entraîneur qui vient avec nous faire les déplacements. Mm-hmm. On est souvent tout seul, à 15 bornes de chez nous, mais seul face à tout un environnement hostile, une famille. Et tu joues tout seul face à tout ça, car personne ne te suit. Donc la troisième mi-temps, non, au tennis, je ne l'ai pas vraiment vécu. C'est plutôt avec un Perrier, quoi. Ouais, voilà. Mm-hmm. Plutôt avec un Perrier tranche et tout seul après à la maison à se remémorer le match. Donc ouais, non, je serais pas un très bon témoin de la troisième mi-temps. Par contre, nos amis salonnais, eux, pardon, cher docteur, je vous ai coupé. Non. Mais il faut noter qu'il y a quand même une tradition dans la troisième mi-temps au tennis, c'est que l'adversaire paye un Perrier tranche. Le vainqueur paye un Perrier tranche au vaincu, n'est-ce pas? Ça peut arriver, c'est vrai. Ça arrive souvent. Arriver. Le père de l'adversaire, l'adversaire victorieux, oui, paye un Perrier tranche à l'adversaire vaincu. Oui. C'est terrible. Puisque moi-même, je dois le révéler ce soir sur les ondes de Radio Galère, j'ai aussi pratiqué. Vous avez pratiqué le tennis, docteur? Exactement. Que n'avez-vous pas pratiqué? Mais ça peut être vécu comme une sorte d'humiliation, en fait, ce sort de Perrier tranche offert par le père de l'adversaire en fin de match. C'est assez redoutable en général. Et il m'est arrivé de ne pas le finir. Alors en rugby, chers amis salonnais, ça se passait autrement? A priori, oui. On ne va pas être des grands témoins des troisième mi-temps rugbystique salonnaise, parce qu'on n'a pas été des grands amateurs de ça. J'en ai fait quelques-unes. Plus que Mathieu, je pense. Mais j'ai appris quelques jeux absolument débiles de comptoir, notamment éclater un glaçon sur un comptoir qu'on te lance. Et il s'agit de mettre un coup de tête sur le comptoir et choper le glaçon. Ouais, à la santé. Évidemment, tu le rates et tu te fends le crâne. Et tu te retrouves avec une balafre pendant 3 semaines. Donc, c'est pas très... C'est encourageant. C'est pas très glamour. Non, c'est encore moins glamour. Ouais. Ouais. C'est un jeu aux règles simples, mais efficace quand même. Bah écoute, je me permettrai de dire qu'il m'est arrivé de le reproduire il n'y a pas si longtemps que ça, au petit Pernaud. Ah oui. Un petit peu de pub. Ouais. Mmh. Une petite dédicace. Et je l'ai eu. Ah. Et voilà. Donc, comme quoi, avec l'âge. Bravo, donc pas de fente. Pas de fente. pas de fente au front. Non, voilà, ouais. Non, non. Pas de fente. Juste des fossettes. Bah, j'ai l'impression que ce débat tourne un peu court, mon cher docteur. C'est-à-dire que, mon cher Manu, vous nous avez tendu une énorme perche. Ah oui, en réalité, bien sûr. Oui, malgré moi. Malgré vous, très certainement. Mais c'est vrai qu'on s'interroge un petit peu sur ces histoires aussi de vestiaire, puisque, avec notamment, il y a eu récemment ce formidable numéro 15 gallois, Gareth Thomas, qui avait joué un petit peu à Toulouse pendant un temps au Stade toulousain. qui a révélé son homosexualité. Et finalement, il a levé un lièvre une nouvelle fois, je renouvelle l'expression, puisqu'il a mis au grand jour, finalement, l'existence d'une homosexualité latente dans un sport qui se veut extrêmement machiste. Et c'est vrai que par ce biais-là, et par d'autres biais, qui ont été par exemple ceux de Max Guadini avec le Stade Français, de jouer en rose, c'est pour ça que je voulais parler de la masculinité en spectacle. Et bien finalement, j'ai l'impression que le rugby récemment a évolué, et finalement que la porte du vestiaire s'est un petit peu ouverte. Alors est-ce que c'est un sport c'est entre-ouverte. Joli, joli. Oui, c'est entre-ouverte. Ça dépend. Au moins la porte de derrière. Voilà, voilà. Oula, exactement. Oula. Et donc non, ce que je voulais savoir, c'est la troisième mi-temps. C'était si finalement au rugby dans des vestiaires comme ça, est-ce qu'il y a vraiment un machisme fort, un espèce de collectif d'hommes qui se noue pour le meilleur et pour le pire quelque part, parce que cet esprit d'équipe qui est fort, il est important. Mais est-ce que c'est pas quelque part un peu exclusif et bourrin? C'est une question, hein, mais est-ce que c'est pas, on n'est pas genre des mecs c'est une question que je pose, hein, je sais pas, peut-être Mathieu pour prolonger. Alors c'est très intéressant effectivement, ouais. Puisque il y a quand même quelque chose qu'on oublie bien souvent quand on pense à ce genre de sport collectif, c'est que nous avons quand même affaire à, on va dire, une vingtaine d'hommes qui pendant 10 ans, 15 ans vont tous prendre la douche ensemble. Et c'est quand même quelque chose de fou, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est effectivement, je pense, dans le cas où, au niveau de la sexualité, la confusion règne, ça peut être effectivement problématique de vivre dans la doublette de où s'arrête la blague de mec et où commence l'ambivalence du questionnement de l'orientation sexuelle, puisque, j'insiste là-dessus, c'est quand même... quelque chose qui ne m'est plus jamais arrivé dans ma vie entière, c'est-à-dire d'aller dans une douche où il y a 20 autres mecs à poil en train de se sabonner et qui discutent. T'as fait quoi hier soir? Et sinon, t'es pas en ce moment? Et demain, tu fais quoi? C'est très étrange. Donc effectivement, et si on se fie au reste de l'humanité et de la population, il est bien évident que sur ces 20 mecs, ben, y en a probablement quelques-uns qui préfèrent les garçons. Et je pense que c'est quelque chose d'absolument tabou. Enfin, en tout cas, la manière dont j'ai vécu, c'est quelque chose de personne n'en a jamais parlé. Mais on le sentait, il y en a... Clairement, ouais. De toute façon, ça se sent même médiatiquement. Enfin, t'en parlais, Gareth Thomas a fait son coming out. Enfin, il me semble qu'il n'y en a pas vraiment d'autres qui ont pu le faire. Enfin, c'est un milieu très viril. Enfin, non, c'est un tabou énorme. Je pense pas que... Alors, je sais pas dans quelle mesure c'est pas quelque chose qui est lié au sport d'équipe masculin globalement, hein, puisque dans le foot, il me semble pas avoir entendu parler de... C'est exactement la même de chose. De revendications, hein. Quelle qu'elle soit, de ce côté-là. Donc, je pense qu'il y a plus un effet de groupe, forcément, de mécanisme très organique. Hein. Et en même temps, dans le tennis, non, mais... je me faisais la réflexion l'autre jour que, étant comédien, je suis évidemment entouré et puis même ami avec bon nombre d'homosexuels et que c'est une chose absolument acceptée. On peut me parler, il y a des gens après qui sont parano et qui disent qu'il y a un lobby homosexuel dans le théâtre, tout ça, tout dit quanti. Bref, non, pas du tout, je pense, mais c'est juste que, à mon avis, c'est qu'il y a des homosexuels autant partout dans le monde et tout, mais c'est qu'il y a certains endroits et certains... ouais, voilà, dans la culture, c'est accepté, donc on peut le dire, on peut faire son coming out sans problème, mais dans le foot, dans le rugby, dans des sports, dans le sport en général, c'est beaucoup plus compliqué car c'est évidemment des milieux machistes, donc on se cache. Mais je pense qu'en fait, il y a le même pourcentage. Je vois pas pourquoi il y aurait plus d'homosexuels qui feraient du théâtre que du rugby, du foot, du tennis, vu que c'est des choses qu'on commence à faire souvent à l'âge de 12-13 ans et que cette chose-là se révèle. Après, il n'y a pas de généralité, mais souvent, c'est vers l'adolescence, autour de 15-16 ans, qu'on commence à se sentir attiré plus ou moins par l'un ou par l'autre. Et que donc, il doit y avoir des rugbymans, des footballeurs, des tennismans qui se sentent homosexuels, mais qui ne peuvent pas le dire. contrairement au théâtre, à la danse, à la musique, où c'est tout à fait accepté et on peut en parler librement. Et donc on va se dire, ah, dans le théâtre, il y a 50% d'homosexuels, mais peut-être que dans le rugby, c'est pareil. Mais on ne le dira jamais. Eh bien, peut-être que notre ami Manuel a un son pour nous illustrer tout ça. Ah oui, alors c'était l'occasion de se porter sur le sujet cinéma et rugby. Magnifique. Magnifique sujet. Superbe. Vous avez pris votre pied, Manuel. Ah, dans cette recherche de son, j'ai vraiment pris mon pied puisque j'ai dû revoir une bonne partie du film Le Placard. L'excellent film Le Placard. Bon courage, Manuel. Voilà, voilà. Le Placard bah, qui, à sa manière, plutôt lamentable, moi, à mon avis. Bien qu'il rentre dans la catégorie des films excellents, selon vous, cher docteur. Excellent peut avoir un propos lamentable. Oui, bah, peut-être. Je ne suis pas sûr, moi, mais bon, en tout cas. Non plus, ouais. Ou l'inverse. Mieux vaut ça que l'inverse. Je suppose que sur le plateau... Est-ce que sur le plateau, tout le monde connaît l'histoire du film Le Placard de Francis Weber ? J'ai l'impression moi, oui. Que oui. Bon, voilà, il s'agit d'un homme qui est en passe de perdre son travail et on lui conseille de révéler sa fausse homosexualité pour mettre dans l'embarras le patronat. Entreprise dans laquelle il y a une très belle équipe de rugby entraînée par Gégé, Gérard Depardieu, qui lui est un homophobe vraiment éclairé. Et donc ben voilà une ou deux petites scènes. Alors oui, non, le lien aussi avec le rugby en dehors de ça, c'est qu'apparaît à l'antenne le fameux Vincent Moscato. Alors là, à l'antenne sur l'écran. Ami de Bernard Laporte, ben, notamment. Et oui. Vincent Moscato qui ben, se révèle être un, pour le coup, excellent acteur. Hein, vous allez voir. Je ne vous dis rien de plus et on écoute. Mais je suis pas du tout PSG, c'est l'OM mon équipe. Bon, c'est pas le problème. Sois aimable avec lui, c'est tout. Mais de quoi je peux lui parler, bordel ? On n'a rien en commun, c'est une petite fiotte qui... D'abord, tu l'emmènes dans un bon restaurant. J'ai réservé à la truffe, ça va me coûter une fortune. Et tu lui fais comprendre que t'es pas la brute qu'on imagine. Tu lui dis, je sais pas moi, que ce que t'aimes dans le rugby, c'est la chaude complicité des vestiaires après le match. Comment ça, la chaude complicité des vestiaires ? Tous ces hommes qui se retrouvent sous la douche, ces corps nus dans la vapeur d'eau... Ces beaux corps, luisants et musclés. Et le copain qui te savonne le dos, et toi qui savonne le dos du copain. Voilà ce que t'aimes dans le rugby. J'aime ça, moi. Mais non, je te dis pas que tu aimes ça, je te dis qu'il faut lui dire que tu aimes ça. Faut casser ton image de casseur de PD, tu comprends ça, bordel ? Je suis content pour ton licenciement. Enfin, je veux dire, je suis content que ça s'arrange. Merci. Ça me fait plaisir, t'es un bon élément. Je voulais te dire que j'étais désolé pour ton pépin rugby, là. Bon, ça va, c'est oublié. Non, parce qu'on me prend pour une espèce de grosse brute, c'est vrai, mais... J'ai ma sensibilité comme tout le monde, quoi. Moi, ce que j'aime dans le rugby, c'est les douches. Ah bon ? Oui. Les douches ? Pas les douches elles-mêmes, je veux dire, parce que... Les douches, on peut en prendre ailleurs qu'au rugby, quoi. Eh oui. Ouais, comment dire ? Quand t'as un copain nu sous la douche, tu vois ce que je veux dire ? Non. Mais si. Quand t'as un copain tout nu sous la douche et que tu lui savonnes le... Quoi, qu'est-ce qu'il y a, hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez choisi le vin, monsieur ? Donnez-moi la carte. Que je disais. Que tu savonnais tes copains sous la douche. Je disais ça, moi. Mmh. Ah ouais, je disais ça. T'as pas regardé la télé hier soir ? Oh non, je dînais chez ma belle-sœur. Il y avait un film, c'était vraiment bien. L'histoire d'une fille qui tombe amoureuse d'un mec qui découvre que c'est son père. Oh, dur. Elle nous a cueillis, la petite, quand elle a crié. Papa, elle était tellement touchante, émouvante. Elle avait des putains de seins d'ailleurs, la salope. Non, mais elle avait des beaux. Ah oui, il y avait de quoi faire. Ça doit être dur pour un mec de découvrir que la fille qui veut sauter est sa fille. C'est un sujet de société. Un vrai sujet de société. Tiens, le voilà. Il n'a jamais été suspendu sur un terrain, que ce soit au niveau national ou international. C'était donc l'ami Vincent Moscato qu'on entendait juste avant sur les ondes. Vincent Moscato qui présente une très belle émission maintenant sur une antenne concurrente qu'on ne va pas citer, qui donc se révèle être un très grand acteur, je trouve, dans cet extrait. Mais il y a un autre acteur formidable qu'on entend et que vous connaissez bien, cher Martin Camoun, puisque si on parle maintenant deux secondes de votre actualité, il se trouve que vous avez tourné avec le grand Gégé, le monstre. Absolument. Voilà, récemment, dans une toute nouvelle série qui se déroule à Marseille. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu de mots ? Oui, tourner, après, c'est un bien grand mot, mais effectivement, j'ai participé à cette nouvelle série qui se tourne à Marseille en ce moment, qui s'appelle Marseille. Ils n'ont pas voulu faire original. Série produite par Netflix, n'est-ce pas ? Et où j'ai eu l'honneur de jouer un journaliste BFM, pour ne pas citer une radio concurrente, hein, merci. Et donc j'ai eu un petit jour avec Gégé, absolument. Gégé qui était fantastique, et une journée avec lui. Et, il était encore bourré. Et, ouais, non, mais il est, oui, non, mais pas plus que d'habitude, non. Je parlais de toi. Oui, je suis Chablis, absolument. Gérard Depardieu, que j'ai eu l'honneur de croiser pendant une journée sur ce tournage. Et je lui ai posé la question de « Et on en est sûr ?» C'était magnifique. Et il m'a regardé en me disant « On n'est jamais sûr de rien. » Mais il ne faut pas que je dévoile plus que ça sur la série. Cette série sera diffusée à quel moment ? Je crois en février-mars, au départ sur le site Netflix. Oui. Et voilà, sur leur mais qui après sera certainement racheté par une chaîne, je pense. Oui, et puis téléchargeable illégalement assez facilement. Ouais. Absolument, car à 7,90€ le mois, bon, on ne va pas s'inscrire sur Netflix. Ok. Et bah bravo. Y a-t-il en préparation un film avec le même Gérard Depardieu où il jouerait le rôle d'Olivier Magne ? Est-ce que vous avez entendu parler de cette possibilité ? Je n'ai pas reçu cette information dernièrement. L'homme ennemi, la montagne, le massif central. Ah, il serait pas mal. Peut-être un peu vieux en ce moment, mais... Je crois que c'est avec Marc Cession, en fait. Ou d'Olivier Merle, pardon. Bon, en tout cas, cher Martin, vous êtes... En termes d'actu un peu plus sérieux... Oui, voilà, j'allais vous demander oui, ça. Oui, voilà, car ça, c'était une petite galéjade, n'est-ce pas, la série Marseille, même si je pense que ça va être une très bonne série. Prochainement, faisant partie de la compagnie L'Individu à Marseille, n'est-ce pas ? Excellente compagnie. Le directeur artistique étant Charles-Éric Petit. Nous faisons une petite intervention lors d'un Sirène et Midinette, que tout le monde connaît bien, les premiers mercredis du mois devant l'Opéra, et une variation autour du thème des orateurs que la compagnie de L'Individu travaille depuis un an ou deux, autour des orateurs et de la langue perdue par les politiciens aujourd'hui. Et voilà, nous faisons une espèce de petite performance et happening qui durera, je crois, 8 ou 10 minutes, car c'est assez court entre les deux sirènes. Place de l'Opéra, le 4 novembre, avec, pour faire un petit spoiler, c'est surtout autour d'un texte de Victor Hugo qui parle de détruire la misère. Et avec, aujourd'hui, la vague de migrants, la misère, de toute façon, même sans parler des migrants, juste en France actuellement, un écho assez palpable sur notre réalité, car le texte de Victor Hugo, qui a été adressé à l'Assemblée nationale à la fin du 19e siècle, est encore très, très prégnant et magnifique. Docteur, vous vouliez rebondir, je crois, sur ce film Le Placard. Et continuer cette troisième mi-temps. Non, c'est vrai qu'on évoquait... Si, vous le souhaitiez. Je souhaitais effectivement évoquer cette troisième mi-temps en continuant peut-être à parler des événements forts. On parlait d'un sport de plus en plus médiatisé, parfois dans un cadre un petit peu sinistre, comme l'a été par exemple le cas de ce fameux Marc Cession. Alors Marc Cession, c'est l'exemple type d'un garçon qui, en gros, tenait le club du rugby de Bourgoin-Jallieu, donc un club de l'Isère. Fameux. Un club fameux à son époque, avec à l'aile un certain Le Flamand. Enfin voilà, c'était quelque part un beau club. Et puis ce Marc Cession est parti en Afrique du Sud faire une tournée juste avant la Coupe du Monde. Il a ramené des armes d'Afrique du Sud. Et Marc Cession était très, très, très, très, très alcoolique. Et Marc Cession, lors d'une soirée anniversaire, je crois, a tué sa femme, en pleine cérémonie. Et donc, il était intéressant de voir un petit peu quelles avaient été les réactions finalement vis-à-vis de cette situation, notamment du manager du 15 de France de l'époque, Joe Mazzo, et puis aussi de voir, d'essayer de traiter finalement de ce que pouvait être l'alcoolisme finalement dans le sport de haut niveau. Et on a donc un petit son à cette occasion qui nous a été gentiment mis par Manu. Il n'a jamais été suspendu sur un terrain, que ce soit au niveau national ou international. Il a toujours montré la voie parce que c'était un joueur de combat, mais jamais toujours dans les règles du jeu, avec beaucoup de fierté et d'humilité, ce qui fait les grands champions. Le rugby, c'est un ballon et des hommes. Et quand le ballon n'existe plus, il reste les hommes. À partir de là, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et lesquelles vous avez posées depuis ? Mais celle de la solidarité, du respect entre nous. Et je crois que, bien sûr, il faut toujours être vigilant par rapport à des cas qui pourraient se reproduire. Yannick Stéphane, bonsoir. Vous êtes psychologue, maître de conférence à Paris 11 et spécialiste de la réinsertion des sportifs de haut niveau. Cette terrible histoire illustre-t-elle la difficulté pour des athlètes de haut niveau à revenir au quotidien et à l'anonymat ? Je crois que c'est un comportement qui est exceptionnel et qu'on ne peut pas relier directement à l'arrêt de la carrière sportive. Mais par contre, c'est une conséquence indirecte de cet arrêt, dans ce sens que c'est l'apogée, c'est une expression malheureuse d'un ensemble de difficultés liées à cette transition, à des changements de repères, à des changements de références dans tous les domaines, qui aboutissent à effectivement à un déséquilibre psychologique et à un sentiment de vulnérabilité. Et dans ce cas-là, ce sentiment de vulnérabilité, ce déséquilibre va entraîner ce comportement-là. Et ça pose une fois de plus la question de l'anticipation, de la planification de la transition suivant l'arrêt. Et c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il ne suffit pas simplement d'anticiper une reconversion professionnelle, mais il faudrait aussi envisager une planification, une anticipation des changements qui peuvent intervenir dans tous les domaines de l'existence. Y a-t-il d'autres pathologies, même moins graves, et comment se préviennent-elles ? Dans le cas de Cécilio, on sait bien qu'il est tombé dans l'alcool et que c'est de l'alcool qu'il est allé à l'homicide. Tout à fait. Et dans ce cas-là, l'alcool, finalement, ça peut être une ce qu'on pourrait appeler une stratégie d'adaptation, mais à court terme. C'est quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qu'on peut relever, qui traduit un manque de sensation, de stimulation, le manque du terrain, en fait, le manque d'adrénaline. Mais par contre, d'autres pathologies, effectivement, on peut avoir des réactions somatiques très importantes, un développement de maladies vraiment dues à l'arrêt de la pratique sportive intensive. Par contre, on peut avoir aussi une émergence de maladies mentales. Bon, je pense à la dépression, effectivement, mais qui, en général, n'est que passagère. Mais tout ça pose vraiment la question du suivi des athlètes, non seulement avant l'arrêt, mais aussi durant la transition suivant l'arrêt, et non seulement du point de vue de la reconversion professionnelle, et aussi du point de vue de la reconversion dans la vie en général. Et de ce point de vue-là, je pense que la cellule de Serge Simon est vraiment une très, très bonne initiative. Merci beaucoup, Yannick Stéphane, pour cette équipe. On a entendu Joe Mazzo, on a entendu un psychologue du sport ou un psychologue en général, et on a entendu beaucoup Michel Field aussi, l'excellent Michel Field. Excellent Michel Field. Qui, quand il a quelqu'un au téléphone, a besoin de crier, visiblement. Parce qu'il est loin. Il est très très loin. Et on a entendu parler de Serge Simon aussi, ça me fait plaisir, l'excellent Serge Simon. Un ami de Moscato aussi, il fait partie de cette fameuse première ligne. De Bègle, Bordeaux. Ouais, la rappe tout. des gros tueurs, en fait. Ouais. Ouais. Et Serge Simon, qui s'est illustré par la suite pour avoir fondé un des premiers syndicats de joueurs en fait, professionnels, Proval. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, sûrement que ce monsieur psychologue fait écho à cette création. Très bien. Des réactions à ce petit sujet parmi vous ? Je trouve ça assez scandaleux en fait. Marc Sicillon, c'est. Enfin, je sais pas, il a quand même. C'est le Pistorius du rugby. Quoi. Ouais, c'était non seulement un gros bourrin sur le terrain. Certes, il a fait pas mal de choses, mais par contre, il a. Oh, enfin, si on sort du côté sportif, il a quand même mis deux ou trois balles dans sa six, femme. Six, je crois même. Six, ouais. Bon, ouais. Donc, un chargeur, quoi. Je comprends pas vraiment comment on peut excuser ce genre de geste. Ouais. Pas son. C'est vrai, c'est étonnant de la part de Joe Mazzo, Mais bon, bah, voilà, la radio, le micro appelle dérapage, visiblement. Mmh. Mais quid de la reconversion puisque voilà, vous êtes reconverti après ces années converti de sport à haut niveau. De sport à haut niveau, avez-vous subi par la suite, après tous ces impacts, tous ces moules, tous ces regroupements, toutes ces chandelles, ces up and under, est-ce que vous avez, à un moment donné, subi un manque? Ben, parlons de vous, justement, Thomas Quentin. Comment, après tant de blessures, tant de chocs reçus, peut-on si virtuosement cliquer, appuyer sur pomme, etc., et ainsi designer la culture du monde entier? Ben, assez simplement, en fait. Du fait des blessures, c'était assez confortable pour moi que de m'asseoir sur un bon fauteuil et de me satisfaire d'un petit clavier. Donc c'était un peu le... Mais en termes de coordination... non, j'ai beaucoup de mal, j'ai toujours beaucoup de mal, ouais. C'est un peu compliqué. Alors, du coup, j'ai des médicaments, mais tout se passe bien. T'as une cheville douloureuse quand même. En revanche, j'aime à dire que je me rappelle mes années rugby en me pétant régulièrement un os ou deux. Et là, j'apprécie. Et là, je me rappelle. Et je trouve ça fabuleux. Sinon... de manière un peu plus sérieuse, les années rugbystiques, et notamment avec Mathieu, les années minimes, cadets et un peu juniors, me manquent cruellement. Quoi. Je pense que je ne retrouverai pas les sensations que j'ai vécues à ce moment-là. Voilà, c'était la minute nostalgique. C'est beau. Mais la reconversion, c'était très beau. Finalement simple. Oui. Alors, on n'a pas parlé de mon actualité. Ben non, allons-y. Oui, c'est maintenant, monsieur le graphiste. Eh ben, je vais être papa. Eh ben oui. Oh, bravo. Bravo, bravo. C'est pour quand, mon cher Thomas? A priori pour janvier, mais on pourrait avoir une surprise. Mais l'actu brûle. Plutôt janvier. Entre décembre et février, quoi. Entre décembre et janvier. Pas février. Mais... Si Alex entend ça, elle pète un câble. Ben, on vous applaudit. Je pense que c'est le moment de vous applaudir. Bravo, vraiment. Papa. Ouais. C'est superbe. Merci. La première naissance de l'équipe de La Bite dans la Porte. C'est pas la première, puisque le docteur a déjà... trois enfants. Trois enfants, bien sûr. Non. L'équivalent énergétique. On va se quitter en musique. Je crois que notre invité, Mathieu Poulain, au Tiger Mountain, membre de Husbands, va nous interpréter un petit morceau. Le temps qu'il se prépare, cher docteur... pour vous dire merci de la préparation de cette émission. C'était très agréable de la faire avec vous. Merci, mon cher Manuel. Mais l'absence de Brett, quand même... S'est fait sentir. S'est fait légèrement sentir. Ouais, et je crois que Brett... Excusez-nous, peut-être. Brett, lui aussi, de son coup fin tout chaud... On n'a pas été suffisant, j'ai l'impression. Puisque l'ami Brett... Bon, voilà, lui aussi attend un heureux événement. Absolument. L'ami Brett peut-être a voulu communiquer avec nous, pas par le standard qui est bien sûr saturé toujours par les appels. Je n'en peux plus. Arrêtez d'appeler, s'il vous plaît. De notre ami Mathieu, mais Brett a quelque chose à nous dire. Alors, qui dit troisième mi-temps dit blague, évidemment, et Brett se prête à ce jeu. Donc, il m'écrit, au cas où, vous connaissez la différence entre l'équipe de France de rugby et Thierry Henry? Non. C'est intéressant. J'ai l'impression que c'est avec une main. Il y en a un qui joue avec la main et les autres pas. Quoi. Ouais, ça n'est pas loin de découvrir le poteau rose. Hein. Mm-hmm. Réponse. Entre-temps, moi, j'ai répondu « Ah non ». Il me répond de nouveau « Ben, même avec les mains, ils n'arrivent pas à battre l'Irlande ». Ah ben oui, voilà. Évidemment, j'aurais dû la trouver. Merci, Brett. Merci, Brett. Merci. De cette très belle participation. T'aurais dû venir, Brett. Même si c'est sévère de se souvenir de Thierry Henry pour cette main. C'est sévère tout de même. Alors merci, cher Martin, d'avoir participé à ce premier numéro de La Bite dans la Porte. J'aurais aimé être plus prolixe et plus... Voilà, ouais. Bah, vous avez été parfait. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Merci à vous, cher Thomas Quentin, de nous avoir éclairé de vos lumières. On remercie également Marie Costa, notre attachée de presse, qui nous a fait venir dans ce studio des stars presque mondiales. Et merci à vous, cher docteur, encore une fois. Merci à tous. Dans deux semaines, on retrouve des bâtons d'Anguirou avec des émissions consacrées au pinard, Probablement. Eh oui, eh oui, mon cher docteur. Je croyais que c'était un best-of. Alors non, on verra en fait. Mais en tout cas, il y en aura au moins une sur une antenne amie à laquelle nous participons aussi maintenant, cher docteur, vous le savez, oui. Aux grandes dames de certains de la rue Consola. Mais en tout cas, nous y sommes aussi puisque nous occupons tous les terrains. Et merci à vous, cher Mathieu Poulain, de votre présence. Et on vous écoute tout de suite pour un morceau dont vous allez nous donner le titre, j'imagine. C'est un morceau cumbia blues sur un homme enfermé dans une toute petite boîte. Toute petite boîte. He's okay, almost prominent son. He's been living his life on his own, no harm done. Quarantine left with memorable songs and flashes of light. He's doing it wrong. Another season of life worth leaving. Owing for the promise of a prowess of a land, dreaming of a will, let go of a dream, find a way to make my own. Alright. Waiting for the promise of a prowess of a land, dreaming of a will, let go of a dream, find a way to make my own. Think twice, don't leave anything out. If you believe all is real, pick a reason to live. Now it's late and the 90s are back. There's a hole in the eye. Aftertaste, side effects are a blast and charges a draw. But I know it won't last. Another season of life worth leaving. Oh, waiting for the promise of a prowess all in, dreaming of a will, let go of a dream, find a way to make my own. Waiting for the promise of a prowess all in, dreaming of a will, let go of a dream, find a way to make my own. Alright. La bite dans la porte, c'est fini. À bientôt.